comme un rêve lointain, que le citadin amnésique n'ose plus faire. Saint-Etienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est Pédale Scandale sur le 89.5 de Radio Dio ou sur radiodio.org pour les personnes qui nous écoutent de loin. L'émission de ce soir résulte d'un constat qui a été fait au sein de notre équipe, alors qu'on cherchait des sujets d'émission, qu'on ne sait pas forcément quels sont nos parcours de vie, notamment politiques. Alors qu'il nous arrivait de prendre la parole au nom du collectif, sans être sûr que ça corresponde à tout le monde. Et puisque ce qui nous réunit, c'est d'être une belle gang de tapettes, mais que les pédales ne sont pas toutes les mêmes, alors on s'est dit qu'il était important de visibiliser nos différences de parcours, de point de vue et de rapport aux politiques. En bref, ce qui fait de nous des pédales uniques et à part entière. Et puis, on avait aussi envie d'aborder ces thématiques aujourd'hui pour avoir un socle sur lequel s'appuyer pour construire de nouvelles émissions, par la suite, en construisant avec nos différences plutôt que de lisser notre collectif. Alors voilà, ce soir on va brasser du personnel. On va vous parler de qui nous sommes individuellement pour essayer d'éclaircir qui nous sommes collectivement. Aussi, il nous paraît important de rappeler que, comme pour chacune de nos émissions, nous donnons une vision d'ensemble de notre crew, mais nous ne sommes pas pour autant représentatifs et représentatifs des vécus, notamment des oppressions subies et des manières de penser de toutes les pédales. Alors, c'est moi qui commence. Bonsoir les pédales. Alors... aujourd'hui, on parle de nos parcours respectifs, de nos liens à la politisation et à la pédalerie. Alors moi, je viens d'un milieu paysan et rural, et malgré le travail à fournir sur la ferme en tant qu'enfant de petit agri, j'ai manqué de rien matériellement dans mon enfance. J'ai baigné dans une culture paysanne de gauche, avec des discours sur la solidarité, l'écologie, les dérives du capitalisme et la consommation bio et locale, un rejet de la religion et de la médecine liée aux labos pharmaceutiques. Mes parents avaient aussi un engagement syndical, associatif et auprès de la Confédération paysanne. Ils participaient à des manifs avec des actions militantes, comme avec les faucheurs volontaires d'OGM, ou à des épandages de fumier dans des McDo pour demander la libération de José Bové, par exemple. Bon, voilà. Le sujet, c'est pas mes parents, mais c'est juste pour dire que dès mon enfance, j'avais une image de ce que c'était l'engagement politique. Que je me considérais même militante, presque de manière innée. Et je crois que très jeune, je me voyais comme communiste sans vraiment savoir ou avoir idée de ce que ça voulait dire. Et je crois que dans ce début de culture politique, et aussi avec ce que j'ai vécu après, malgré les discours de solidarité, il y avait un truc très individualiste, du genre « c'est moi qui ai fait ça » ou « je suis capable de ça ». Et je pense que ça m'a fait construire une image de marque de personne militante, et que ça m'a fait développer une certaine pureté militante, nulle et complètement erronée. Après, ma politisation plus concrète à commencer en ville, par les luttes liées au logement et au squat, puis après par une ZAD et aussi par des passages à la frontière. Je pense que je me reconnais dans le terme d'anarchiste et que j'aime m'en revendiquer. Je pense que c'est un terme qui peut paraître hors sol quand on le considère uniquement comme une idéologie à atteindre et que ça a l'air plutôt éloigné de nos quotidiens. Et non, je crois pas au grand soir ou à l'avènement de la révolution, même si parfois j'aimerais la voir arriver tout en en ayant très peur. J'ai l'impression de pas être arrivé à ce terme d'anarchisme par des théories ou des réflexions idéologiques, mais plus par des actions concrètes, par le rejet de l'État, de ses institutions répressives, de la prison, des frontières, par le fait de ne pas respecter les lois qui nous contraignent, de participer à des réseaux d'entraide locales ou internationales, de réquisitionner les logements dont on a besoin, de participer à la solidarité matérielle et financière, de tisser des liens et de partager du soin entre précaires, de vivre collectivement de manière le plus autogérée et le plus autonome possible. Voilà, tout ça, ça reste des grands mots. Mais en vrai, la plupart du temps, j'ai l'impression que ça reste un truc d'image, la militance, et que je vis ma vie de petite personne qui refuse de travailler en salariat et qui arrive à tenir avec un RSA. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et en vrai, maintenant, je crois que je trouve plus radical les personnes qui taffent en 35 heures, voire plus, dans des assos de santé, de soins communautaires, qui, même si elles touchent un salaire, passent leur temps à informer, à soigner, à aider des personnes qu'elles ne connaissent pas et avec qui elles n'ont pas de lien. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hiérarchie de bons ou de mauvais militants, de bons ou de mauvais engagements, qu'il n'y a pas de mode radical ou moins radical bien défini. Et dans cette émission, on est plein de personnes différentes, avec des parcours différents. On n'a pas toujours le même avis. Moi, c'est un truc qui ne me pose pas de problème. Je trouve ça même enrichissant. Et peut-être que ça peut apporter du conflit à des moments. Je pense que le conflit est bénéfique. Même si parfois, on n'est pas en capacité de bien le vivre. Parce que c'est pas une illusion de dire qu'on est des gens et on est entouré de gens pour qui la vie n'est pas toujours simple et qu'on va mal à plein de moments. Et maintenant, j'aimerais parler un peu plus de pédalerie. En vrai, la pédalerie fait partie de mon monde de manière concrète et consciente depuis pas très longtemps. Alors, avant, j'ai surtout évolué dans les milieux militants blancs, cis, hétéro et valides. C'était pas fun tous les jours et ça a été dur pour moi pour plein d'aspects. Ensuite, il y a quelques années, j'ai découvert la queerness, la non-binarité et rencontré plein de chouchous avec qui j'ai fait des trucs très chouettes, mais c'était pas l'idylle non plus. Ce milieu que j'avais bien intégré était un peu plus facile à vivre, mais restait difficile pour moi à plein de niveaux. En termes de considération de genre, de pensée primo-féminisme misandre, de logique d'exclusion type call-out, et donc de survigilance et parano qu'elle crée, et aussi avec le peu d'attention donnée aux soins. J'ai traversé cette période avec une dépression en arrière-fond qui prenait de la place plutôt souvent, mais depuis plus de 6 mois, elle n'est plus du tout là, et je fais vraiment un lien fort avec la pédalerie, avec mon intégration rapide à ce milieu et à toutes ces trop chouettes tapettes que j'ai autour de moi. Je crois qu'un des trucs qui a changé notamment, c'est la découverte pour moi du terme pédale comme identité de genre et de tout ce que ça a bousculé comme certitude dans ma vie et comment j'ai pu revoir les différents événements de mon passé avec des nouvelles lunettes d'interprétation. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est de pouvoir être moi dans les relations fortes et intimes, de pas toujours réfléchir à comment je dois me comporter, à quelle place je prends, et du coup de toujours être dans un truc de survigilance et de peur de moi-même. Entre pédales, plus qu'ailleurs, je peux être moi-même, sans me demander constamment comment je dois être. Intimement, ça fait aussi une grosse différence pour moi, de partir sur des bases relationnelles plus équilibrées, qui sont « on est tous les deux des pédales ». Bien sûr, ça dit pas tout, mais ça permet de se détacher de rôles attribués et de jouer avec nos identités en confiance et en compréhension de l'autre. Bon, tout ça, c'est intime, mais bon, l'intime est au politique, donc... Et on va dire que ça passe parce qu'aujourd'hui, c'est des chroniques très personnelles. Bon, j'ai un peu l'impression de faire une chronique thérapie. Mais je vais finir par dire que merci à toutes les pédales, à toutes les tapettes, les tantes et les tantouses. Merci aux personnes qui ont participé à cette révélation en moi et qui m'ont aidé à m'intégrer à ce milieu. Et continuons à nous entraider, à nous donner du soin, de la force, à faire bouger nos idées et à politiser nos vécus. Solidarité et bisous sur vos culs. Et maintenant, on va écouter un morceau, encore un PD, par Amédée. Jack, je vole. Aujourd'hui, il pleut, mais demain, des arcs-en-ciel. Ah, dis donc, c'est pas ça de mon temps, hein. Tiens, encore un PD, un de plus à la télé. Alors oui, c'est vrai, je suis gay, mais ne vous méprenez pas, moi je le fais par choix. J'aime les hommes, car c'est à la mode, et moi, je veux être en danse, même si c'est décadent. Et comme je suis payé par les lobbies LGBT, qui contrôlent les médias, le service public et Arte, je me dois, pour être diffusé, de promouvoir ma sexualité. Homosexualiser, je vais rendre vos enfants pédés. Vous homosexualiser, je vais détruire votre virilité. Tiens, encore un pédé. On contrôle la télé. C'est tellement plus simple pour percer. Moi je remplis les quotas et je fais de la moula. Voyez, c'est plus facile d'être gay que d'être viril. Les woke font croire que c'est inné, mais moi j'ai choisi d'être pédé. Et comme je suis payé par les lobbies LGBT, qui contrôlent les médias, le service public et Arte, je me dois, pour être diffusé, de promouvoir ma sexualité. Je vais vous homosexualiser, je vais rendre vos enfants pédés. Vous homosexualiser, je vais détruire votre virilité. Si je me fais insulter, c'est que je l'ai bien cherché. Et si on me tape dessus, c'est parce que je l'ai voulu. Et si on veut me tuer, je l'aurais bien mérité. J'avais qu'à pas choisir d'être pédé. Si je me fais insulter, c'est que je l'ai bien cherché. Et si on me tape dessus, c'est parce que je l'ai voulu. Et si on veut me tuer, je l'aurais bien mérité. J'avais qu'à pas choisir d'être pédé. Je vais vous homosexualiser, je vais rendre vos enfants pédés. Vous homosexualiser, je vais détruire votre virilité. Coucou les pédales, je suis assez déçu de pas être là parce que je crois que c'est une émission importante où on a décidé de se regarder le nombril, collectivement et en public, et que c'est sain de s'interroger sur nos différences, et pas de parler seulement de nos identités de pédales ou de PD qui nous réunissent et autour desquelles on fait des très chouettes émissions. Moi je suis issu de la classe moyenne, j'ai grandi avec des parents de gauche qui étaient dans le monde de la culture et de l'éducation, et avec un père qui a fait de la non-violence le combat de sa vie, ce qui entre parenthèses me met parfois dans des trucs assez compliqués sur ce sujet. J'ai pas manqué de grand chose, matériellement parlant en tout cas, et je mesure de plus en plus le privilège que ça représente. Aujourd'hui, j'appartiens encore à la classe moyenne. Je travaille dans le monde du spectacle comme technicien, je fais beaucoup de tournées. C'est un mode de vie très contraignant et des conditions souvent difficiles. Et du coup, bon, je me dis que je suis pas trader à la défense, je vis pas dans le luxe, mais je suis dans le monde du travail, je gagne un peu d'argent, je suis pas dans le besoin en tout cas. Et je vois bien que c'est pas anodin et que ça fait une sacrée différence avec certains, certaines d'entre nous. J'ai été assez remué du coup par une des chroniques de la dernière émission où une copine faisait justement remarquer qu'on parlait beaucoup des gens qui galéraient, de comment on pouvait trouver de l'argent pour les aider, etc. Mais qu'on parlait peu des personnes qui avaient de l'argent. Moi, je crois que j'essaie de m'arranger comme je peux avec ça. J'essaie de partager un peu, de prêter ma maison quand je suis pas là, de prêter du matos quand ça peut servir, des trucs comme ça. C'est sans doute très insuffisant. Je me reconnais pas dans une étiquette politique précise. Je suis de gauche, ça c'est clair, mais je saurais pas en dire beaucoup plus. Par manque de culture politique, mais aussi par difficulté à me mettre dans une case. Je crois que j'ai toujours eu besoin et envie de naviguer entre différents milieux. Je sais que par exemple, à une époque, quand j'habitais à Lyon, je faisais de la sérigraphie. Et par cette pratique-là, je me suis retrouvé tant à faire de la sérigraphie avec des nanas dans les pentes de la Croix-Rousse, des trucs très déco, mignons, voilà, que des affiches pour des soirées à Nard dans des ateliers collectifs et autogérés. Et c'est pas confortable de faire ce grand écart, mais c'est assez intéressant et moi j'ai l'impression que ça me donne un peu une vision globale. Je me sens nulle part vraiment à ma place, mais en même temps j'ai l'impression de voir plein de choses et d'avoir des petites idées d'organisation, de vision du monde qui existent, et je crois que ça m'intéresse beaucoup. Mais ça me fait me sentir très souvent en décalage. Et d'ailleurs, avec vous les pédales, je me sens parfois dans ce décalage, je me dis que je suis complètement dépolitisé, alors qu'en même temps dans ma vie de tous les jours, au contraire, des fois je me dis que je suis plutôt politisé. Du coup, je navigue dans un truc un peu étrange comme ça, à me sentir un peu de droite avec vous, très à gauche avec d'autres. C'est assez perturbant. En tout cas, je peux avoir peur aussi du jugement et être saoulé de l'espèce de pureté militante de certaines personnes qui, je pense, ne fait pas que du bien. Et du coup, je crois que ça me fait du bien qu'on essaie de se dire les choses, comme dans cette émission, quitte à mettre en évidence des paradoxes, des limites. Ça m'a fait du bien d'entendre aussi à la dernière émission une pédale déclarer sa flamme à Eddie de Préto, en disant que c'était pas facile d'assumer, d'aimer un chanteur aussi mainstream, en tant que pédale plutôt évoluant dans des milieux alternatifs. Moi, j'ai eu des expériences militantes, j'en ai eu quelques-unes quand même, notamment autour de la défense de l'assurance chômage en 2014-2015, lors d'une des attaques du MEDEF et du gouvernement. Et en tant qu'intermittent du spectacle, j'ai rejoint le truc parce que j'étais concerné à la base, et puis je me suis investi à fond, et j'ai cru au mot d'ordre qui était un truc vraiment de convergence des luttes, ce que nous le défendons pour tous et toutes. Je sais pas si on disait déjà tous et toutes, mais je le rajoute. J'ai cru vraiment fort, je me suis investi énormément, j'ai même fait un burn-out militant. Et en fait, j'ai été vraiment dégoûté, il m'en est resté un truc hyper amer et hyper décevant, parce que dès que les intermittents intermittentes ont été à peu près rassurés sur leur sort, ben en fait les réunions, les manifs, tout s'est vidé, et en fait on s'est rendu compte que ben non, on se battait pas pour tous et toutes, mais que la plupart des gens se battaient pour leur gueule, quoi. Et ça a été entre l'épuisement et cette grosse désillusion, ça a été un truc qui m'a mis hors de tout truc militant pendant des années. Et encore aujourd'hui, je m'en tiens un peu éloigné. Et là, ma participation au web, ma participation à Pédale Scandale, j'ai l'impression que c'est une façon aussi de remettre un peu le pied dans tout ça. Mais voilà, doucement, de loin, et sur un sujet, en l'occurrence, d'actualité pour moi dans cette période où j'investis cette identité PD plus que jamais, quoi. Mais voilà, moi, je me sens pas un militant... Enfin voilà, je suis pas dans une orga, je suis pas dans un collectif ou quoi. Je fais quelques manifs, mais je suis pas un acharné des manifs. En partie parce que je suis pas là, en partie parce que j'habite à la campagne, mais aussi en partie parce que voilà, parce que je suis pas un grand militant. Et en même temps, je me dis que je crois que je suis un peu un militant du quotidien, comme beaucoup d'autres personnes. Que je crois que ça peut paraître un peu bisounours, un peu dérisoire pour certains, certaines, mais moi j'y crois un peu quand même. Que c'est pas rien de reprendre les gens quand ils se traitent d'enculés, quand ils ont des sorties transphobes, sexistes, racistes, que c'est pas rien d'essayer de sensibiliser les gens à la gestion de leurs données personnelles, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je trouve complètement sous-estimé, quoi. Et je me rends compte aussi à voir des gens fonctionner que le politique, c'est aussi, enfin pour moi, c'est vraiment aussi des trucs de tous les jours et des trucs de la vie normale, entre guillemets, quoi. Et moi, je gravite pas mal, entre autres, autour d'une bande de potes en Haute-Loire, plutôt alternaux, et qui me font un peu halluciner parce que j'ai l'impression qu'ils mettent pas forcément, ou en tout cas pas tous et toutes, beaucoup de mots sur, justement, sur le politique qu'il y a dans leur mode de vie. Alors que moi, il me paraît complètement, complètement fou. Je trouve que c'est des gens qui sont dans des démarches écolo, mais sans en faire des caisses là-dessus, qui organisent des fêtes incroyables basées sur l'autogestion, qui fonctionnent super bien parce qu'ils ont les outils, parce qu'ils ont l'habitude, parce que voilà, qui arrivent à avoir du soin les uns les unes envers les autres, qui s'ouvrent à des sujets, par exemple voilà les questions queer qui sont pas forcément hyper représentées à la base dans ce groupe, mais quand elles y arrivent, et ben ça provoque des choses. Et voilà, ça me fait me dire que le politique, c'est aussi le quotidien, et que c'est ce qu'on fait de sa vie, que c'est ce qu'on fait de ses journées, que c'est ce qu'on fait de son temps. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'était ma petite participation à cette émission. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite. Bye bye. Comme un fuck, mais je rappe bien mieux que ces mecs hétéros 6 machos que je graille après avoir mis dans la sauce comme 6 nachos. T'es lourd comme 6 packs d'eau, je suis lourd comme 6 packs ball. Rap man spread pour moi, il écarte juste les cuisses, ma boy. Pas de pardon, mon blast dans ta bouche peut foutre en l'air ta carrière comme le N-word dans la bouche de Jack Harlow. J'ai des rimes qui font des gros saltos de gros saletés gamme et Jordan 4 valent 4 fois ton faux sac Dior. Ma voix fait trembler le sol avec les subs. Tes fans font des pogos sur mes sons. Ta meuf twerk sur mes sons en club. Ça parle virilité mon sub. Puis ça court à la salle faire des tractions en écoutant Young Thug rapper dans une robe. Ouais baba, mes gars écoutent mes sons et font des grimaces. Modifient leur ganache comme un filtre Snapchat. À Skip j'suis le diable, à Skip j'suis Iblis. Ils ont voulu mettre une croix sur moi, je j'aurais dit non, je préfère une Jesus Peace. J'suis la mort avec une robe Prada. What's up, baba? Tu vas streamer ma mixtape comme Don Dada. Mon père voulait que ma mère avorte. Aujourd'hui, j'suis partout en affiche dans la ville. Pour ça qu'il passe plus le pas de sa porte. Bisous, bisous, la concu me fait des bisous. Hier, ils voulaient pas de moi. Demain, ils avaleront mes bijoux. J'fais mes bails, no management, no promo. J'baisse ces rappeurs. Aujourd'hui, j'peux plus dire no homo. Bisous, bisous, la concu me fait des bisous. Hier ils voulaient pas de moi, demain ils avaleront mes bijoux. J'fais mes bails, no management, no promo. J'baisse ces rappeurs, aujourd'hui j'peux plus dire no homo. Encore un single bien plus chaud que ton album claqué. Celui que tu proclames être un classique pour lequel t'as mis le paquet. Je sais que tu m'insultes sur Twitter pendant que ta gosse maquille. Elle fera un selfie avec en fond un nouveau titre de ma tête. Enlève l'autotune, remballe ton flow de bobo snob. Montre-moi que t'es plus chaud que le fils d'Eb d'un daron serbe homophobe. Je peux claquer 4 loyers pour que ma musique marche, je suis au studio. Venez comme vous êtes, je vous baisse comme McDonald's. Moi et le rap game, on dort en cuillère, ça m'excite. À Skip, les OGs diront que je manque pas d'air comme un fumeur asthmatique. J'paiera depuis que j'ai 9 piges, ça fait longtemps que je suis là comme nos darons qui ont quitté le bled pour test d'avoir une meilleure vie. Ouais baba, viens pas faire la guerre en story Insta quand t'as des poils blancs qui se baladent dans ta barbe. Dites à Oji Brax de nous attendre les poings serrés en l'air. Moi et mes adeptes de la liberté à outrance on t'emmerde. Vends le micro, je découpe, rien de moins, rien de plus. Le savoir est une arme et les abrutis m'en apprennent le plus. Charbonne du matin au soir, j'aurais percé quand Killuminati dira que j'ai fait un pacte avec le diable. Bisous, bisous, la concu me fait des bisous. Hier ils voulaient pas de moi, demain ils avaleront mes bijoux. J'fais mes bails, no management, no promo. J'baisse ces rappeurs, aujourd'hui j'peux plus dire no homo. Bisous, bisous, la concu me fait des bisous. Hier ils voulaient pas de moi, demain ils avaleront mes bijoux. J'fais mes bails, no management, no promo. J'baisse ces rappeurs, aujourd'hui j'peux plus dire no homo. Thank you. On vient d'écouter No Homo de Dibi et on continue avec le témoignage d'un autre camarade de Pédale Scandale. Salut, je vais faire comme si mon discours était très organisé. J'ai grandi avec des parents cathos de gauche, un père ouvrier et une mère famille d'accueil, qui faisait famille d'accueil. Du coup, ses parents, ils étaient très investis dans la vie associative à une échelle locale. Ils s'intéressaient beaucoup à la vie politique à une échelle locale. Et donc voilà, quand j'étais enfant, on me parlait beaucoup de ce qui se passait dans la commune, l'opposition, tout ça, tout ça. J'allais à la messe tous les dimanches. Quand j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus aller à la messe le dimanche, elle m'a dit « Très bien, il y a des messes le vendredi soir ». Donc j'allais à la messe le vendredi soir. Avec tout le grand chelem, communion, profession de foi, confirmation, jusqu'à l'apostasie, j'ai décidé de me débaptiser suite au mouvement de Manif pour tous, où c'était pour moi beaucoup associé au discours de l'Église, du Pape, tout ça. Du coup, je me suis dit, il faut que je marque le coup, je vais arrêter d'être comptabilisé dans ces cathos. Ça a été très bien pris par mes parents quand je leur ai annoncé. Ça a amené de très belles discussions. Ils m'ont dit pourquoi ils étaient des cathos de gauche. Tous deux étaient issus des familles de droite. Et pour eux, les cathos, c'était l'écolo, c'était le cinéma, c'était les sorties, le culturel. Et en fait, c'est ça qui leur a ouvert l'esprit, qui leur a permis de basculer de l'autre côté, quoi. Pour l'un et pour l'autre. Voilà. Le politique, pendant longtemps, j'avais l'impression de le vivre dans mon quotidien, dans le fait de vivre en collectif, d'être partager mon quotidien avec plein de gens, plusieurs personnes qui vivaient au RSA. Moi, c'était mon cas pendant 8 ans. Et du coup, à cette période, du coup, ça me permettait de participer à des projets artistiques, collectifs, tout ça, en essayant de mettre l'argent de côté, en faisant avec pas grand-chose. En faisant ensemble, il y avait le truc du groupe, quoi, de faire à plusieurs. Je vivais en collectif pas très loin de la ZAD, j'étais à une heure de la ZAD, et dans mon parcours de militant, ça m'a un peu marqué, notamment cette fois où je me suis retrouvé dans la forêt pour essayer d'empêcher des gendarmes mobiles de défoncer des cabanes dans les arbres. Il y a un moment où je me suis retrouvé accroché à un arbre, enfin j'encerclais un arbre comme ça, c'est comme une sorte de câlin pour que vous ayez une image comme ça. Je m'étais dit que je ne raconterais pas toute l'histoire, mais en même temps je me dis que ce n'est pas clair. Sinon, enfin bref, je m'étais trompé d'arbre, tout le monde était autour du même arbre et moi j'étais tout seul autour de mon arbre. Et donc là, grand moment de solitude, surtout quand il y a 4 gendarmes mobiles qui sont arrivés autour de moi. Et qu'il y en a un qui a pris mes couilles dans sa main et qui m'a dit « lâche ton arbre ». Moi j'ai dit « lâche mes couilles ». Il a répété « lâche ton arbre ». J'ai répété « lâche mes couilles ». C'était très gênant. C'était, bon bref, j'ai réussi à me faufiler, à m'échapper de ces 4 flics et à rejoindre ce fameux groupe. Et suite à ça, je suis le premier qu'ils ont décidé de sortir de ce groupe. Et là, j'ai reçu plusieurs coups de matraque. Ça, sur le coup, ça a arrêté. Puis je me suis rendu compte après que ça avait été très traumatisé par cet événement. Et depuis, j'ai eu beaucoup de mal à être dans l'action directe face à des flics. Cet événement m'a traumatisé. Du coup, dans mon parcours, que ce soit dans des manifs ou n'importe quoi, maintenant, j'ose plus trop aller à la confrontation. Du coup, je me suis politisé à d'autres endroits que de trucs directs comme ça. Du coup, le politique, après, pour moi, ça a été très lié à la question de l'éducation populaire. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai travaillé dans des assos d'éduc-pop. C'est là où je me suis forgé un petit peu une culture féministe au fur et à mesure du temps. C'était très lié à cette question de faire groupe, de faire collectif, de ne pas être tout seul. J'ai appris à démonter la logique du colibri, le fait de chacun apporte sa petite goutte, tout ça. Non, en fait, il faut qu'on soit en groupe si on veut que les choses, ça bouge. Donc voilà. Je fais une petite pause dans ma réflexion. Hop. Un petit silence, ça fait pas de mal. Donc voilà, je suis pas un punk. J'ai toujours l'impression d'être trop ou pas assez, comme disait Colin dans sa chronique. Il y avait un peu de ça chez moi. Du coup, j'ai un truc autour de la représentativité. J'étais délégué de classe. Et puis après, je me suis retrouvé délégué du lycée. Et après, je me suis retrouvé dans un conseil municipal. Voilà. Dans un petit village en Haute-Loire, il y avait un village de 180 habitants. Au début, avec des copains, on a voulu organiser des petites réunions publiques et se dire ah, tiens, il y a les municipales qui arrivent, les élections, il ne se passe pas grand-chose a priori, ce serait bien qu'on réunisse les gens de ce village et qu'on cause de ce qui va se passer dans ce village. On s'est fait avoir par notre propre jeu, clairement là. Il n'y avait personne qui se présentait, on a dit bah, on va créer une liste ouverte, puis on va dire aux gens mettez-vous dessus. Puis en fait, ils ne sont pas mis dessus. Puis un coup, sorti du bar, on était 5 copains à dire bah, si vous mettez votre nom, moi aussi. On l'a fait, il n'y avait qu'une liste, donc forcément, on est passé. Au moment où je vous parle, je suis toujours conseiller municipal. Bah, c'est le genre de truc où ça permet de mettre les pieds. Du coup, moi, je me suis retrouvé dans des instances comme la communauté de communes, des choses comme ça. Donc, ça fait bizarre. Moi, j'ai un peu moins de 40 ans. Je suis là avec ma crête blonde où je suis dans un groupe de gens où c'est essentiellement que des bonhommes de plus de 70 ans, cis, hétéros, de droite. Voilà. Et du coup, c'est pas du tout facile de faire bouger ces instances-là. Du coup, je ne vais pas renouveler l'expérience. Bref, on s'est fait avoir par notre propre jeu. Mais bon, c'est un challenge de mettre un peu de pédalité dans un conseil municipal. Il y a quelques fois, ça m'a amusé, mais globalement, je trouve ça plutôt chiant comme expérience. Niquer le système de l'intérieur, là, pour le coup, je pense que j'ai pas du tout réussi. Donc parfois j'ai du mal à l'assumer, mais bon voilà, c'est ça, je suis encore dans un conseil municipal. Sinon, par rapport à si je reviens à ma construction politique, sur les questions du fait d'être PD, il y a eu le collectif, excusez-moi de vous dégenrer, qui travaillait sur les questions de genre en milieu rural. Ça, c'est un collectif que j'ai initié à l'époque où je bossais pour une asso d'éduc pop. J'avais envie d'organiser un événement, mais je voulais pas organiser un événement qui soit juste du divertissement. Et du coup, vouloir mettre du politique là-dedans, pour moi, il y avait de pouvoir aborder toutes les questions de genre et la queerness en milieu rural. Bon, ça n'a pas été évident parce qu'on a été un peu bloqué par le Covid, les passes sanitaires et tout team. Du coup, bon, on s'est retrouvé avec une caravane, aller sur des places de marché pour parler des questions de genre. Ça n'a pas toujours été très bien accueilli. Dans le milieu rural où j'étais. Le fait d'avoir une petite caravane rose avec des gens qui se questionnent sur les questions de genre, ça n'a pas plu à tout le monde, notamment des élus municipaux. Et voilà toutes ces questions queer. Moi, j'ai eu l'impression à cette période-là d'être comme un référent des questions queer sur le territoire. Et en fait, je me sentais hyper gêné à ce moment-là parce que moi, le mot queer à ce moment-là, je ne savais même pas trop ce que ça voulait dire, quoi. Et quand des gens sont venus me voir en me disant « tu représentes les queers », j'étais hyper emmerdé. Et du coup, je me suis dit bah, « il va falloir que je me renseigne et que j'aille j'apprenne encore plein de choses à ce niveau-là ». Du coup, j'ai participé notamment à un web qui m'a bien marqué dans ma vie de PD et dans ma vie politique, du coup. C'est là où j'ai pu trouver plein de nouvelles camarades. Après, il y a eu le livre PD, coordonné par Florent Manelli, où là, ça m'a fait me dire « Ah oui, en fait, c'est trop dur pour moi d'être PD en milieu rural. Je galère, j'ai besoin de camarades et pas juste ponctuellement pendant un web. J'en ai besoin plus dans mon quotidien. » Et puis, ça a fait que j'ai débarqué à Saint-Étienne et notamment dans ce groupe de Pédale Scandale qui me fait trop du bien. Et que je ne sais pas que ça va être quoi la suite de ces événements, mais je sens que je suis sur un petit tremplin. D'ailleurs, je vous embrasse toutes mes pédales de Pédale Scandale et je pense que c'est la fin de ma chronique. Ouh. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Solta, porra! Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Gaiola. Ai, me solta, porra! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ai, me solta, porra. Et vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 ou sur le radiodio.org dans l'émission Pédale Scandale où on vous parle de nos parcours politiques à chacune d'entre nous. Et on va enchaîner avec la chronique d'un autre camarade qui peut pas être avec nous en studio et qui nous a envoyé un petit audio. Et avant de lancer cette chronique, je voulais vous définir quelque chose qui a déjà été nommé par deux fois auparavant, qui est le WEP, qui est le week-end entre PD, un espace qui a lieu deux fois par an, espace autogéré entre pédales. Et le camarade en question va parler des UEEH, alors gros acronyme pour parler des, accrochez-vous bien, Université d'été euroméditerranéenne des homosexualités, des rencontres queer féministes autogérées qui ont lieu une fois par an, comme son nom l'indique, avec un peu une volonté internationale et de solidarité internationale. Voilà, et ben, je vous laisse écouter le parcours politique de notre camarade. Salut. Alors désolé, je suis enrhumé et ça doit s'entendre au micro. Alors, pour expliquer d'où je viens et où j'en suis en termes de parcours politique, je veux préciser d'abord que je viens d'un milieu de la moyenne bourgeoisie rurale et catholique, pas spécialement politisé, et que c'est finalement d'abord dans des mouvements de jeunesse chrétienne rurale que j'ai appris le collectif, les actions et tout ça. Oui, je sais, c'est décalé par rapport à l'auditorat de l'émission, mais ça permettra de comprendre certaines choses qui vont suivre. Et puis que malgré mon milieu, ou grâce à ce milieu d'ailleurs, plutôt ouvert et curieux des différences, j'ai assez vite fréquenté des gens d'autres milieux, de milieux populaires et ouvriers, de classe moyenne de gauche, des agriculteurs de gauche et des militants de la Ligue révolutionnaire que je fréquentais au lycée, parce que je les trouvais intéressants. Mais jusqu'à ma vingtaine, je ne me suis pas trop posé de questions politiques, ou du moins je ne les nommais pas comme ça. Les copains ont commencé à squatter à Lyon et je trouvais ça très intéressant, très inspirant, très courageux, très radical, violent et conflictuel aussi, ça ne me correspondait pas des masses. Mon premier acte politique, je pense, ça a été mon coming out à 18 ans. Je trouve que, quelle que soit la manière dont on le fait, c'est un acte politique, et ne pas le faire est aussi un choix politique. Ensuite, en lisant Têtu et finalement en explorant mon homosexualité, j'ai eu accès à une culture gay et j'ai appris bien des choses sur notre histoire et j'ai lu Réflexion sur la question gay de Didier Ribon, quand c'est sorti en 2000, je crois, qui m'a appris encore plus de choses sur ce qu'implique le fait d'être LGBT dans une société patriarcale et hétérocentriste et sur les mouvements de libération gay, sur les liens avec le féminisme. Bref, j'ai commencé à avoir accès à l'histoire politique de nos mouvements et j'ai commencé à affirmer qu'être gay, c'était une identité collective et politique. Mais malgré mes essais dans l'associatif, je ne trouvais pas tellement de lien avec des militants LGBT. C'est seulement à partir de 2009 où j'ai commencé de rencontrer des activistes TPG et je suis allé aux UH quand c'était encore à Marseille, à l'école d'archi. Et là, ça a commencé à vraiment faire tilt. J'ai rencontré notamment des PD qui m'inspiraient. J'ai commencé à construire mon identité de façon plus radicale et à assumer simplement de me définir comme PD. Du coup, dans les années 2010, je me forme plus au féminisme et au matérialisme. Je rencontre beaucoup de Gwyn et de trans et j'essaie de faire des choses avec elle, comme les rencontres de TPG rurales, puisque j'étais déjà revenu vivre à la campagne. D'ailleurs, ça aussi, c'est un choix politique qui m'oblige notamment à rester en lien avec des personnes et des milieux très différents. Alors moi, j'aime pas trop les grands mots théoriques. Du coup, je me définis ni comme anarchiste, ni comme communiste. Et j'ai pas de leçon de théorie politique à donner à qui que ce soit. Mais voilà, toutes ces rencontres, c'était pour moi déjà une manière de faire communauté, de trouver enfin une partie de la communauté dont je fais partie. Mais en fait, dans le milieu TPG, on n'était pas beaucoup de PD à cette époque. Alors, avec les camarades PD rencontrés aux UH, on a créé le WEP en 2012 pour se rencontrer plus, pour faire des choses ensemble et pour travailler ensemble sur nos identités politiques. On était une quinzaine à la première édition. Et ça a été encore une nouvelle étape, une nouvelle histoire qui a eu des hauts et des bas et qui continue encore. Dans le milieu TPG, je trouvais souvent problématique les prises de position dites radicales qui, moi, me semblaient souvent à l'emporte-pièce. Notamment, alors, en ce qui concerne le WEP, c'était notamment la biphobie très assumée des premiers WEP et la croyance que c'était un événement uniquement blanc et uniquement cis. Ça l'était majoritairement, ça, d'accord, mais c'était quand même loin de la réalité que je voyais. Et il y a eu quand même quelques ratés. Heureusement, ça a évolué depuis, notamment avec la reprise du WEP en 2017, je crois, avec des camarades trans activistes. Ensuite, dans mon parcours personnel, il y a eu la rencontre avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, en 2011, je crois. Et je suis rentré dans ce mouvement en 2014 et je suis sœur depuis 2017. Alors, je ne sais pas encore pour combien de temps. C'est encore une autre manière de militer que je continue de découvrir, très différente du milieu TPG, beaucoup plus large, il me semble, beaucoup plus visible à des moments, parfois beaucoup plus institutionnelle et surtout fortement inscrite dans cette histoire longue des mouvements d'émancipation LGBT et féministe, des mouvements de séropo et tous les mouvements de lutte contre le sida. C'est pas pour dire que les TPG ne le sont pas, bien au contraire, parce qu'il y a des liens très forts dans tout ça. Donc je m'implique au sein des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence depuis, toujours en essayant d'être à la hauteur de la responsabilité, de l'ouverture d'esprit et de l'indulgence que cela demande. Et ça me permet, mine de rien, de raccorder avec quelque chose que je ne trouve pas personnellement dans le matérialisme, quelque chose de l'ordre du care, du soin, du rituel et de la spiritualité. Parce que c'est ça qui me manque personnellement dans le matérialisme. Mais j'ai aussi retrouvé du lien sur ces thématiques-là chez les Radical Fairies. Je vais à des rassemblements depuis 2012 ou 2013, je crois, et j'y expérimente une autre manière de faire communauté, une autre manière de connecter les unes aux autres ensemble dans un environnement, en sortant un peu d'une forme d'anthropocentrisme, une autre manière de faire sens, de jouer avec et sur des symboles et des rituels, et de partager ensemble quelque chose de l'ordre de la spiritualité, de partager ensemble des choses qui sortent de la communication verbale et encore d'autres aspects de l'histoire queer. Mais ce que j'ai envie de vous dire, surtout sur ces sujets-là, et au-delà de mon petit parcours personnel, c'est que l'important, il me semble, c'est d'être conscient et vigilant politiquement dans la société, de cultiver la connexion et l'amour avec les autres dans nos différentes communautés, de lutter ensemble et personnellement contre l'injustice et les discriminations, et surtout de toujours rester en recherche. La politique comme la spiritualité ne sont pas, de mon point de vue, des questions de position établie, ni de positionnement définitif. Et ça ne me paraît pas très intéressant de s'enfermer dans des certitudes. La politique comme la spiritualité, pour moi, c'est une question de mouvement, de recherche et de rencontre. Voilà. Alors à bientôt, donc, sur nos chemins respectifs, parce qu'on va continuer de se rencontrer. Et gros bisous les PD. Twisting in the shadows, now he's on his knees. This boy is an animal, he's a dance machine. It's summer now, it's winter, and he has yet to leave. Move until the feeling's gone, he's a dance, he's a dance machine. Salut! Vous êtes toujours sur Pédale Scandale et on vient d'écouter Gay Goth Dance Machine de This Cold Night. Et ça tombe bien que ce soit moi qui parle parce que c'est ma chronique. Alors, moi déjà, j'avais un peu envie de me situer pour que peut-être il y ait des trucs qui soient plus compréhensibles dans ce que je vais dire après. Je suis le plus gros bébé de Pédale Scandale, voilà. J'ai 23 ans. Je suis. Étudiant en théâtre, je suis blanc, transmasque. Je vis surtout dernièrement dans des lieux collectifs et des squats. J'ai quasi jamais eu besoin de taffer de ma vie. J'ai vécu 3 ans sur un héritage que je collectivisais quand même pas mal. Et le reste du temps, je vivais avec la bourse du Crous que j'avais pendant mes études. Niveau politisation, j'ai l'impression que niveau féministe, c'est ce qui a été le plus induit chez moi. Je pense que les réseaux sociaux et mon frère Goudou puis Trans ont fait un bon taf sur moi. Depuis, je pense, mes 13 ans, je me revendiquais féministe. Je pense que j'ai surtout été influencée par un courant matérialiste. Et puis niveau politisation dans le sens organisation, j'ai l'impression que le premier mouvement que j'ai rejoint, c'est Youth for Climate Lyon, aka YFC pour les intimes. L'appel du climat pour une enfant de classe moyenne bobo sur les bords, ça paraît un peu cohérent comme début d'entrée en politisation. Ça a donné du sens et un peu de l'intensité à ma vie de lycéenne un peu lambda à ce moment-là. Voilà. Oh mince, j'ai oublié de dire un truc. Je veux revenir sur le féminisme. Oui, donc j'ai surtout... Oh là là, n'importe quoi cette chronique. J'ai surtout été influencée donc, par les courants féministes matérialistes. Et ça m'a permis de, en vrai, toujours réussir à tenir tête aux discours sexistes et un peu aux injonctions. Et à me battre parfois littéralement contre des profs, des oncles et des potes si c'est relou. Tout le monde pensait que j'étais gouine, même si moi j'étais convaincue d'être hétéro. Et je pense qu'en fait ça m'a aidé à me politiser, que les gens me mettent dans cette étiquette-là. Voilà. Ça c'était un peu ma ligne politique en termes de féministe, qui était quand même plus quelque chose d'individualiste quand même. Je pense jusqu'à mes 18-19 ans. Et après, je me suis trompée tout à l'heure, là, je reviens à YFC, si vous avez suivi Youth for Climate. Avec ça, j'ai découvert les AG, les manifs et la désobéissance civile. Et puis, un peu de temps après que le mouvement ait commencé, on a commencé à les rejoindre les Gilets jaunes. Et c'est un peu là que j'ai découvert le côté social des luttes. Et puis après, c'était parti pour les manifs, les blocages d'université, et puis les ZAD. J'ai fait un petit tour chez Extinction Rebellion Lyon. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était tellement plus bobo et déconnecté pour moi de la réalité. J'y retournais de temps en temps juste pour les beaux gosses hétéros déconstruits à boucles d'oreilles, qui m'apprenaient tout sur les désastres écologiques de la fast fashion. Mais c'était un peu vraiment le seul point que je trouvais intéressant dans Extinction Rebellion. Peut-être que ça a changé. Je ne sais pas. En parallèle, il y avait l'émergence à Lyon à ce moment-là d'une scène drag king. Et mon frère faisait vraiment partie de ça. Alors j'allais à ses ateliers. J'entendais pas mal les drag kings dire que le drag king, c'est comme les drag queens, mais en plus politique. À ce moment-là, j'y croyais à 100%. Je pense que les ateliers drag king m'ont fait du bien sur pas mal de choses, pour pas cracher dans la soupe. Mais je pense que la misandrie ambiante, CF la dernière émission, m'ont éloigné de toute possibilité à ce moment-là de connecter avec une identité PD et donc une transition. Donc au final, la déconstruction du genre et de l'identité à ce moment-là, ça n'a pas trop marché côté dragging pour moi. Quand je suis de mauvaise humeur, je dis que les shows dragging, c'est surtout des égotrips devant des queeros bobos convaincus qui sirotent des pintes à 8 euros. Alors disons que je ne trouve pas un écho politique très pertinent là-dedans. Un moment un peu clé de ma politisation, je pense que ça a été le passage à la ZAD du Carnet, qui était une ZAD qui a duré moins d'un an. Et même si les groupes sociaux restaient quand même relativement fragmentés à l'intérieur, il y avait quand même une forme de porosité entre les schlagpunkos, les mascus vénères et les queeros révoltés. Cet endroit, j'ai l'impression qu'il a été formateur pour beaucoup de gens, surtout très jeunes. Et puis après, moi j'ai découvert les squats, le milieu toto, Bure, les blocs en manif, et puis le plaisir de taguer. Je pensais vraiment être au top de la radicalité à ce moment-là. Après, il y a 4 ans, j'ai débarqué à Saint-Étienne, et là c'est un peu en m'ancrant dans cette ville que j'ai pu plus comprendre et apprendre des choses sur la politisation, sur des aspects, sur des aspects politiques et des organisations qui me plaisaient. Je pense être moins dans l'action directe, avoir un peu de recul, parce que aussi partager du quotidien avec des personnes plus âgées qui avaient plus d'années dans le militantisme, etc. Et je pense que ça m'a fait énormément de bien. J'avais jamais, par exemple, zoné dans un milieu TPG avant, et ça m'a quand même beaucoup plus parlé que juste le queer en général. C'est à Saint-Étienne que j'ai décidé que je voulais m'hormoner pour être PD, c'est à Saint-Étienne que j'ai réalisé le besoin du soutien communautaire, c'est à Saint-Étienne que j'ai découvert des orgas comme les UEH, et des choses qui font sens dans mon année en ce moment. Niveau squat, quand je suis arrivée, c'était un peu la fiesta boum boum à Saint-Thé. Ça s'ouvrait facilement. Les copaines qui étaient déjà là accueillaient trop facilement les nouvelos. Et moi, c'est quand même ce qui m'a permis de très facilement me faire un réseau à Saint-Étienne. Et là, et ben en fait, pour être honnête, c'est le moment où mes notes deviennent brouillon. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur Saint-Étienne ? Ah oui, je pense que l'espèce de mélange que j'ai pu trouver à Saint-Étienne au niveau des luttes, c'est-à-dire trouver des réseaux de personnes qui s'organisent pour soutenir des personnes sans PAP, du coup les réseaux TPG, les crews de pédale, etc. Et aussi le mélange en fait, entre le milieu associatif et les milieux plus radicaux. Je crois que ça me parle énormément et je pense que c'est une ville qui permet d'être nuancée sur son discours politique et tout en se forgeant quand même un avis. Et du coup, maintenant que là, j'ai fait ce parcours dans ma vie, je crois que j'ai une envie, enfin, deux envies, mais qui peuvent se regrouper, c'est de découvrir plus théoriquement ce que c'est l'anarchie, parce que j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup d'actions, de choses qui se revendiquent de l'anarchie, de pratiques, et que pour autant, j'ai jamais vraiment pris le temps de comprendre ce que ça voulait dire, ce que ça voulait dire pour moi, et si vraiment c'était un mot qui me parlait, mais je crois que oui. Et du coup, un peu dans ce sens-là, en ce moment, ce dont je rêve, moi, c'est d'offensive PD. Voilà. Eh ben, merci pour cette chronique, et on devait passer de la musique, mais en fait, on est un peu short niveau temps. Du coup, on va passer directement sur une nouvelle chronique. Salut les chouchous de Pédascandale et les auditeurs. Alors moi ce soir je vous fais une chronique de machin parce que je suis en convalescence d'une grosse opération et du coup je peux pas être en studio parmi vous. Du coup aujourd'hui on parle de parcours politique, enfin de nos parcours politiques. Et ben pour ça moi ça me paraît important de parler d'où on vient. Du coup, moi, d'où je viens, eh ben moi, j'ai grandi dans une petite ville de Bretagne avec d'un côté mon père qui venait en partie d'une famille d'immigrés italiens et de l'autre de paysans de la Bretagne profonde et une mère qui... dont la mère était femme de ménage et le père petit commerçant mais de tradition comme ça bien, bien catholique. Mes parents n'ont pas fait d'études, ma mère était coiffeuse, elle a commencé à travailler à 16 ans et mon père il travaillait dans le milieu de la nuit, il était barman en boîte de nuit pendant tout le début de sa vie de professionnel quoi. Et du coup j'ai grandi avec une pression forte de la part de mes parents à faire des études et à s'en sortir mieux que dans la vie. Même si les choses elles ont pas mal changé dans mon enfance et mon adolescence, parce que mon père à un moment il s'est retrouvé un peu par hasard à vendre des bagnoles, il s'en est bien sorti et il a fini par on va dire, gagner pas mal d'argent et changer de classe sociale. En tout cas, j'ai pas du tout grandi dans un milieu intellectuel de gauche comme beaucoup de mes camarades militants et militantes aujourd'hui. Chez moi, il n'y avait pas de livres. On passait beaucoup de temps devant la télé. Il y avait, j'ai pas grandi dans une culture politique. Mes parents n'étaient pas du tout militants, pas syndiqués, ni vraiment à droite, ni vraiment à gauche. Dans une espèce de culture quand même de la tolérance, mais hyper hypocrite. J'étais à la fois pas mal entouré de personnes racisées et de PD et de lesbiennes, mais ça a toujours été compliqué que je sois vu comme un garçon manqué. Et que j'aime à la fois les filles et les garçons. Donc, vachement du côté de la famille, de la part de ma mère et du côté de la famille de ma mère, je pense à leur religion catholique. Même s'ils n'étaient pas ultra pratiquants, c'était quand même bien ancré dans la famille. Et moi, du coup, ado, j'ai découvert le punk, d'abord la musique. Et puis après, j'en suis jamais trop sorti. Et du coup, j'ai grandi vachement dans ce truc ni Dieu ni maître. C'est dans le punk que s'est faite ma formation politique. Je me suis mis assez vite à écouter des groupes d'anarcho-punk et à réfléchir à la déconstruction de mes de normes et de mes propres privilèges. C'est aussi par le punk que je me suis intéressé aux questions féministes, aux questions de genre, de lutte anticarcérale, d'antispéciste. Enfin, en tout cas, c'est vraiment par la musique, moi, et par les personnes que j'ai rencontrées dans le milieu punk que s'est fait ma formation politique. C'est aussi par ce biais-là que j'ai commencé à rencontrer beaucoup de punk queer, et notamment des PD, de qui je me suis senti très proche, bien avant de savoir que moi-même j'étais un PD trans. Aujourd'hui, et depuis bien longtemps, je me considère comme anarchiste. Moi, j'ai jamais été dans un parti ou un syndicat. J'ai participé à des mouvements sociaux, mais j'étais jamais très, très, très impliqué dans des mouvements sociaux. Mais plus dans des groupes et des collectifs autonomes de vie ou de lutte anarchiste. L'anarchisme, pour moi, c'est une lutte contre l'État et ses institutions, et notamment contre la justice, la police, la prison et la psychiatrie. Aujourd'hui, il y a aussi les centres de rétention. Enfin, en tout cas, contre toutes les institutions répressives de l'État. En tout cas, ma pratique de l'anarchisme, elle ne peut pas se dissocier des questions du féminisme matérialiste. Je me considère encore aujourd'hui anarchiste. Je continue à ne pas vouloir voter et à rejeter le système électoral, qui est pour moi une supercherie. Et je me sens d'ailleurs de plus en plus isolé, je pense, sur ces questions-là. Ma position politique sur la religion, par contre, elle a bien évolué au cours des années. Je respecte bien évidemment les croyances et les besoins de spiritualité de chacun et chacune, quel qu'il soit. Je hais cette foutue laïcité imposée sous couvert de racisme. Je crois que je continue toujours à éprouver une certaine haine envers la religion catholique qui a été pratiquée dans une partie de ma famille et qui, pour moi, m'a empêché d'assumer d'être un mec transpédé jusqu'à quasiment la mort de ma mère, c'est-à-dire jusqu'à presque 40 ans. Comme j'ai dit, je suis arrivé à l'anarchisme par le punk et donc par les pratiques et peu par la théorie. Je me suis intéressé à la théorie bien plus tard. Et d'ailleurs, les pratiques anarchistes, c'est toujours ce qui reste important pour moi. La question de l'autogestion, du DIY, d'apprendre à faire les choses soi-même. La pratique du soutien matériel et financier, le prix libre. Ça, c'est des pratiques qui font partie de ma vie, je crois, et depuis longtemps, et qui sont hyper importantes et que je continue à avoir besoin d'expérimenter toujours dans mon quotidien et dans ma manière de militer aussi. Le punk pour moi aussi, ça a été apprendre à s'organiser collectivement en organisant des concerts, par exemple, et en faisant venir des groupes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et du coup, ça m'a amené à m'intéresser aux questions de solidarité internationale, notamment avec pas mal de camarades d'Amérique latine, du Venezuela et de Colombie, essentiellement. Ce qui m'a amené à aller aussi passer du temps pas mal dans ma vie, notamment en Colombie, à créer des liens forts avec des gens, à me marier avec un camarade colombien, et du coup à toujours avoir des remises en question sur des privilèges d'avoir grandi dans un pays occidental colonisateur. C'est aussi par le punk que j'ai commencé à découvrir la vie en squat. J'ai vécu longtemps en squat, en ville, puis à la campagne. C'est aussi par les milieux punk que j'ai découvert la vie en squat et du coup les pratiques aussi plus radicales et plus ou moins légales liées à la volonté de s'écarter au maximum, enfin de s'autonomiser au maximum de l'État et de ses institutions, même si j'ai quand même toujours, grâce au fait de vivre en France, profité du RSA. Mais j'ai participé à des actions plus ou moins radicales et illégales qui ont pu m'amener à avoir des problèmes avec la justice et qui font qu'aujourd'hui, je me suis un peu plus... un petit peu calmé quand même sur ces choses-là. Moi, je crois pas en la révolution, vraiment pas. Je crois pas au grand soir, ni que le capitalisme il va s'effondrer un jour. Je suis assez nihiliste en fait finalement, mais je crois que mon militantisme il tourne au maximum autour de luttes et d'actions de solidarité concrètes, comme par exemple faire partie de collectifs de chômeuses précaires, d'aller occuper des CAF pour débloquer des dossiers, accompagner des potes sans papier dans leur démarche pour en avoir, lutter pour la liberté de circulation et contre les frontières en faisant partie du réseau Alarmphone, lutter pour les droits des personnes trans et des travailleurs et travailleuses du sexe, bosser avec des assos de santé communautaire et de réduction des risques, notamment pour les personnes vivant avec le VIH, mais aussi pour les personnes toxicomanes, dont je fais partie. Participer à des mutuelles de partage d'argent, faire des cantines, des soirées autour des luttes anticarcérales pour envoyer de la thune en prison. Et aussi, un des trucs importants pour moi, c'est utiliser la radio comme outil de lutte pour au maximum et informer les gens et développer nos pratiques. Je crois que finalement, j'ai toujours le cul entre deux chaises. Pendant longtemps, je disais que j'avais le cul entre deux chaises. J'étais trop queer pour les punks et trop punk pour les queers. Mais c'est pas que ça. Je pense que j'ai aussi le cul entre deux chaises dans le sens où entre le Toto plus radical que moi, tumeur, que j'ai pu être à des moments que je trouve, avec du recul, hyper condescendant et décalé avec le reste du monde. Et aussi des luttes plus réformistes pour obtenir des droits qui sont parfois pour moi nécessaires et bien plus efficaces. Mais aussi parfois beaucoup, je trouve, trop molles et trop... et qui concernent en fait les personnes les plus privilégiées dans la société, quoi. Qui s'intéressent peu aux gens les plus précaires. Je crois que je suis assez d'accord avec le camarade qui dit à la fin de sa chronique que ce qui est important, c'est de ne pas rester figé sur des positions et de plutôt que nos idées politiques elles soient en mouvement. Et moi, je me reconnais pas mal là-dedans. C'est que j'ai pas envie d'avoir des positions figées, complètement figées, que les rencontres... et notamment des rencontres avec des camarades qui viennent du sud global, et ben ça a fait pas mal bouger mes positions politiques ces dernières années. Pour moi, ce qui reste le plus important, c'est que j'ai pas envie de m'intégrer dans une société, et je pense que c'est ce qui fait la différence avec le milieu LGBT mainstream pour moi et le milieu PD ou trans-PD-Gwyn dans lequel auquel j'ai l'impression j'ai le sentiment d'appartenir, c'est vraiment ce sentiment de pas avoir envie de m'intégrer dans une société qui me fait gerber, qui est malade, dans laquelle je me sens inadapté. Et je dirais qu'aujourd'hui, en plus des quelques activités militantes qui me prennent du temps, la plupart de mon temps il est consacré à faire du soin communautaire à mes amis et camarades pour qu'elles puissent survivre et pas se foutre en l'air dans un monde qui voudrait nous voir crever. D'étale quand je dégueule, où sont mes queens avec des guns, vivre vite comme tourne la terre, comme un forage de la fronde au paradis. Je ne crois même pas à l'enfer, je m'assieds bizarrement, les deux pieds sur ta sac, pêche-girote un whisky ciment, la terre est tombale, un pied à terre pour cracher un 16, même quand j'avale, dis qu'on assieds-toi, la procédure est viciée, j'arrose mes fesses, blême à l'estradiol sur les impôts de ton père huissier, y'a pas trop vu par les pères, les bites agissent dans l'orbite de Jupiter. La violence dans la ville, c'est de la guerre jusqu'à l'heure de la messe. Je m'en trafique de poppers, je me barre avec la caisse. J'suis beau Jack Horseman dans l'amphithéâtre. J'aime pas mon corps chevalin. J'ai savé la grosse, la zénette, la daronne, sa marque à chaque époque, sa vestine ou le bloc de jeu de mort, fait une bise ou à demain. C'est qui la petite meuf qui vient rappeler toute la mise? C'est qui la petite meuf qui vient rappeler toute la mise? Des SSTR fait sauter ta baraque, ouais, deux doigts dans ma chatte, ouais, trois doigts dans la prise. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 ou sur radiodio.org dans l'émission Pédale Scandale. Et on vient d'écouter la chanson Tapette Hostile de Wasted 180. Désolé pour la prononciation. Il reste à moi de parler de mon vécu. Pour commencer, si je dois dire d'où je viens politiquement, je pense que je dois commencer par dire que la politique a depuis tout le temps une place importante dans ma vie et ma perception du monde, même si beaucoup de choses ont évolué au fil du temps. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, fille d'instit et salariée dans différents tafs de lutte pour les droits sociaux des travailleuses, de gauche. Quand je ne comprenais encore pas grand-chose au monde politique, j'avais quand même en tête à 9 ans, de manière très schématique, que la gauche était bien et la droite mal. Par ailleurs, j'ai intégré que pour devenir adulte, il fallait savoir parler de politique et avoir des convictions qui allaient avec. Au-delà de ça, je fais partie d'une des premières générations à avoir appris dès la maternelle qu'on allait mourir à cause du réchauffement climatique. À 9 ans, je connaissais par cœur la chanson « Plus rien » des Cowboys Fringants, groupe québécois qui parle dans cette chanson de la fin de l'humanité à cause du réchauffement climatique dû à l'industrialisation. J'ai aussi été baigné par des histoires de vie de paysans et paysannes qu'avaient vécu mes grands-parents au Québec pendant leur enfance, et un peu ma mère aussi. En grandissant, ayant plus affinité avec la nature entre guillemets qu'avec les êtres humains, c'est donc tout naturellement, si je puis dire, que je me suis tourné vers un militantisme écologique en orientant mon début de vie d'adulte vers la paysannerie. À cette époque, je croyais fort au mythe inventé par les écolos du colibri, ce petit oiseau qui fait de son mieux pour éteindre l'incendie avec sa petite goutte d'eau dans le bec, espérant que tout le monde fasse de même pour être efficace. Si je me suis retrouvé par là, c'est aussi parce que c'est le premier endroit où j'ai réussi à trouver un début de place sociale, où je comprenais un peu les codes sociaux et que je pouvais exister en ayant des avis politiques tout en ayant une vision relativement simpliste du monde. Évidemment, mon bagage familial aidait pas mal à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les premières personnes qui se définissaient plus ou moins comme anarchistes. Évidemment, c'est une période où j'étais « ouverte d'esprit » entre guillemets et vaguement féministe, sans jamais avoir trop ouvert de bouquins ou discuté de ces enjeux avec des gens, si ce n'est quelques BD comme « Un chemin et une rencontre » édité par Amnesty International ou plus tard « Culotté » de Pénélope Bagieu qui parlait de femmes que l'histoire avait mis de côté alors qu'elles avaient fait de si grands exploits. Ah si, quand même, à 15-16 ans, je passais beaucoup de temps à signer des pétitions pour les droits des gays, notamment dans les pays non occidentaux. Sachant qu'à ce moment-là, j'étais sûr d'être hétéro. Pas hyper glorieux comme passé. Enfin, je disais donc que j'étais ouverte d'esprit, jusqu'à ce que j'ai besoin de transitionner. Où je me suis rendu compte que j'avais beau vouloir l'être, je ne l'étais peut-être pas tant. À partir de là, je pense que j'ai pris une succession de claques dans la figure. Déjà parce que j'ai transitionné loin de toute communauté et que ça a été d'une certaine violence, mais aussi parce que j'ai commencé à comprendre l'existence et les enjeux des oppressions systémiques. Les réalités de faire partie d'une minorité et de ce que ça impliquait. Les réalités, par ailleurs, de faire partie de majorités oppressives et des conséquences que ça pouvait également avoir. À ce moment-là, je dirais que c'est le début de là où j'en suis maintenant. Ça a aussi été mes premiers pas dans un féminisme plus radical, plus global et au moins au début, plus misandre, hétérophobe et cisphobe, avec toute la haine de soi qui nourrissait tout ça et que tout ça nourrissait. Ça a été une période de colère contre le monde entier, de détestation de toutes les personnes qui avaient plus de privilèges que moi ou mes potes, ou pas les mêmes, ou pas de la même manière. Ça coïncidait aussi avec un changement radical de mon entourage, m'étant fait jeter par la majorité de mes amis de l'époque de manière plus ou moins subtile. Cette période m'a valu une certaine reconnaissance sociale que j'avais peu eue avant. Une mise en avant aussi, parce que la seule meuf trans de certains milieux militants, parce que capable de pondre des textes d'une rigueur militante située à un endroit où personne autour de moi pouvait faire de même. Et puis sûrement d'autres capacités sociales que je ne saurais nommer actuellement. Mes convictions politiques me permettaient d'exister socialement pour une des premières fois de ma vie. Alors j'ai entretenu cette radicalité, cette haine des autres et de moi par la même occasion. Toute cette période, je me suis débattu pour me maintenir à flot, et le féminisme radical m'y a aidé tout comme il m'a nui. Aujourd'hui, je suis perdu politiquement. Je capte que tout est bien plus complexe que ce que j'ai pu simplifier pour comprendre et exister. J'ai toujours des idéaux que certains haines qualifieraient sûrement d'extrême gauche, de gauche radicale, d'anarchiste ou je ne sais quoi encore. J'ai toujours envie d'un monde libéré de toute oppression, libre de circulation pour tout le monde, libre de croire, de penser et d'être pour tous. Mais je ne sais plus comment avoir de prise et de sens dans ce que je fais, individuellement comme collectivement. Je ne sais plus si je crois en des actions directes et violentes ou si je crois en des politiques réformistes. Probablement tout ça en même temps. Mais je n'arrive de toute façon pas à m'investir dans ces luttes, quelle que soit leur forme. Je pense que j'ai été broyé par le militantisme, la transmisogynie, le validisme et la précarité, toutes relatives soient-elles. Alors je ne sais plus quoi penser. Je me tiens un peu à l'écart pour l'instant, le temps de me reconstruire un peu, de continuer d'évoluer, d'affiner mes réflexions et de voir plus tard comment être capable de continuer une forme de lutte pour mes idéaux que j'espère ne pas être la seule à avoir. Mes copines, quand on zone sur internet, on trouve souvent des commentaires un peu bêtes. Des gens pas malins disent que puisque c'est comme ça, ils s'identifient à un hélicoptère de combat. Moi j'ai pas compris leur problème à ces connards. On peut plus rien dire sans s'en prendre plein la poire. Que ça peut leur faire qu'il y ait des meufs avec des bites? Est-ce que ça leur fait peur de voir que ça les excite? quelque temps enfermé dans ma chambre, vidé de l'énergie gaspillée à me défendre. Moi j'ai décidé que la meilleure chose à faire, c'était de vraiment devenir un hélicoptère. Avec mes copines on est retourné sur internet, trouver un chirurgien, je lui ai dit coucou c'est Nanette. Voulez-vous bien me mettre des hélices sur la tête, et pour faire peur aux méchants une jolie petite mitraillette. On vient d'écouter Hélicoptère de combat des Desert Eagles, et ça tombe bien parce que je vais vous parler des petites choses de prévues à Saint-Thé et ailleurs pour le mois de décembre. Et ça commence avec la sortie du nouvel album des Desert Eagles qui s'appellera Le meilleur des deux mondes le 11. Ensuite, le 13, on aura une soirée de soutien au Cassis, qui est le collectif d'anti-rap de Saint-Thé à la Gueule Noire. Le 15. Il y aura la cantine pour cantiner à la Tablée, qui sera avec un repas de Noël, vegan. Le 17, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Le 21, à la colline à Montoison dans la Drôme, il y a un tatou coiffe toute la journée, qui sera en soutien à des personnes trans et des luttes antiracistes. Le 25... à midi, il y aura la cantine de la Cale du mercredi, qui sera une cantine spéciale Noël. Et ensuite, pour finir, le 28, à la Gueule Noire, il y aura la soirée IFM Energy Party. Et là-dessus, on vous souhaite plein de force à tout le monde pour affronter l'hiver qui s'installe de plus en plus et pour affronter cette période de fin d'année qui est vraiment pas toujours facile pour beaucoup d'entre nous. C'est la fin de l'émission, on vous laisse avec la musique Punks Attack, Punks is Gay du groupe UO. Et on vous retrouve pour notre prochaine émission le 13 janvier. Plein de bisous de Waouh. Plein de bisous et de love, bande de tapettes. Joey, you like movies about gladiators?